Thank you. des plages. Le sud, on dirait le sud. C'est bien le sud. Allez, viens dans le sud, d'ailleurs. Le sud, je l'aime, c'est sûr, plus que l'herbe et le succès. Je prendrais carnet dessus, j'ai kiffé le sud depuis que je l'ai vu, c'est le sud. Tu sais que des fois ça part en dessus, mais tu seras pas déçu si tu décides de venir dans le sud, d'ailleurs. Le sud, je l'aime, c'est sûr, plus que l'herbe et le succès. C'est le sud. Tu sais des fois que ça part en dessus, mais tu seras pas déçu. Tout en attendant le climat, je marche un sourire au bec. Il était temps que je prenne le micro pour pouvoir vous dire avec à quel point j'aime le sud et la chaleur, l'air pur et la saveur d'une soirée de bâtard avec les potes sans trop calculer l'heure. Sans trop calculer l'heure, alors. Sud, c'est ma maison. L'été, c'est ma saison. Je me perds entre folie et raison. C'est le sud qui fait la liaison. Désolé pour Orange, Vitrolles, Toulon, mais bon, faut croire que le soleil tape plus fort sur la tête des cons. C'est ça le sud. T'as peut-être des pions qui répètent tes leçons, mais je vais te mettre des nions pour ce mois. Et ces mecs craignons, chèque brignons et façade de l'amour que ça pète les fions. Hey, yo.

Thank you. against you. Please come and let me fall away. We're making a friendship. Easy. Laisse-moi te goûter. Please. Viens après, on se carre pas. Fais-moi douter. Laisse-moi t'écouter. Viens me raconter que la terre est plate. Dis-moi que la vie est belle et je te croirai. Toi, j'aiguiserai le fer et je le croiserai. T'as qu'à squatter ma tête, me veux-tu pas squatter mon lit? Moi, j'en lis toute la soirée. Et y'a de la place pour trois dedans. Y'a même la place pour trois dedans. Mais c'est toi que j'attends. Tu sais très bien que j'arrête pour le love. Et que pour le reste, j'ai pas le temps. Il va falloir que tu m'aides. Yeah. Il va falloir que tu m'aimes. J'ai la lune, non mais tu m'as vu. Je suis bien comme une allure, voir une allure. J'ai tellement pas de muscles, t'es pas sûr que je suis là. Tellement pas de thunes pour les factures, ça suit pas en fait. J'ai rien de cheap pour toi, mais c'est ça la fête. Laisse-moi te surprendre à chacun de tes pas. Je pourrais me suspendre la vie pour me cher pas. Cherche pas, on fait pas plus fou que l'absinthe. Je nourrirai avec toi, sourire avec toi, courir avec toi, bébé. Je mourrai avec toi, et même après. Je crois que je pourrir avec toi, bébé. Comment te dire tous mes sentiments? Comment finir sous ou pas? Mais sous les draps gentiment. Comment? Je n'ai jamais su comment trouver le propre ni le moment. J'ai plus de niveau, j'aurais pu être homologué par la torche. Tu dis où tu te rendras même pas compte. Si je décroche, c'est promis. Je te mettrai par la honte si t'es plus moche que tes amis. Et puis je me fous des normes, t'es tout juste appétissant. Je suis sûr que tu penses que t'es énorme. Bien sûr, ça compte les formes, mais ton sourire m'aurait suffi. Donc je le rappe haut et fort. Pas besoin d'effort pour te succomber. Un pour moi, car je suis tombé dans un putain de précipice avec toi. Appelle-moi et je me précipite. Où tu veux, appelle-moi. Comme tu veux, pourvu que tu me ressuscites. Car je suis quoi, mort ou sous reprise de sort. C'est pour ça que je te sollicite. Voilà que tu m'aimes. Voilà que tu m'aimes. Squat my head, don't you want to squat my bed? Please do it, baby, all night long. Go away. Il en faut, là je te parle pas de monnaie. Nada, je te promets que même pour une bonne paire de seufs, une blinde hache, c'est faux. Je vais pas me cartonner, ni bagardonner. Je suis un type tout doux. Je frappe pas mes caresses, malgré ma paresse. Mes rapports tard paraissent à ce qui paraît. Je suis fou, j'ai de la malice. Mais pas de réalisme, m'en fous, je veux juste ma mise. Je rappe pour une love, je suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques et des condés pacifiques. Que ça, je rappe, je te sauve, miss. Oh, dans ton crâne profond, dans ton cœur, je glisse. Et oui, je rappe pour le love, fils. Des fois, j'ai l'impression que j'y love. Miss, je rappe pour le love. Peace, appelle-moi rap safari. Moi j'aime pas ça quand ça tape safari. Et tu dois que tu bouges ton ta fanari. Mes quatre faces passent, il est les rap passent charmé. Quand tu cherches un vrai MC, abracadabra. J'arrive, Shazam. Tu dis trois fois mon nom, j'apparais. Tu connais l'histoire. pied de bar. Pied de bar. Je lâche une chose dans mes manies. Je lâche une dose de qualité. Peut-être tu mangeras la tête ou autre chose. Mais quand je vais lâcher ma prose, tu vas t'agiter. Et si tu comptes, on passe à l'idée. Fatalité, je cliquais. Quand ça va tilter, au lieu de s'agiter, jusqu'à ce que par un part à cliquer. Méchante idée, je vais danser les vieux, dormir les enfants surexcités. Tu prends les stars et rentres très tard, mettre en bagarre. Sur 10 ans, t'as 10 ans, tu fumes en tisant en pigeon. Laisse-moi vivre. De nos aînés, on est trop nombreux à aller, trop nombreux à aimer. On est trop nombreux à aller, trop nombreux à aimer, trop nombreux à salir les pensées de nos aînés, trop nombreux à craindre, à feindre, à geindre alors qu'on n'a pas de quoi se plaindre. Et on n'est pas assez à se battre, à lutter. Pas assez en vrac pour se faire duper, mais pas assez joyeux. Pas assez à danser, beaucoup trop nombreux du mauvais côté de la balance. Et le pire, c'est qu'on s'en fout. Avant que j'étouffe, fais fumer sur le bambou. Sinon, je vais devenir ou vas-y ma gueule. Donne le tilleul. Et puis, j'aime bien l'idée de creuser ma tombe tout seul. Ouais, c'est cruel, mais c'est réel. J'aurais préféré dire que je crois encore aux hirondelles. Mais on a beau lever les bras, crier ce qu'on peut, la réalité est là. On est beaucoup trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. On est trop nombreux à manipuler, trop nombreux à capituler, trop nombreux à capoter sur ce qu'on dégueule patibulaire, trop nombreux à capoter, trop nombreux à se taire. Laissez-moi chanter sous la pluie. Thank you. capoter sur ce coin d'égal particulier. Trop nombreux à s'habituer, trop nombreux à se taire. Laissez-moi chanter sous la pluie. Trop nombreux à capituler, trop nombreux à s'habituer, trop nombreux à manipuler. Laissez-moi chanter sous la pluie. Dans mon lit, tout le texte ne sert plus la brume. On est trop nombreux à crier, trop nombreux à aimer. La misanthropie m'attire chaque jour. J'ai peur de sombrer. J'arme mon sourire, j'ai peur que ça soit léger. L'humain n'est bon qu'à détruire, ça fait flipper. Mais y'a pas de quoi bouffer plein de pilules. Se faire imploser la tête, ils seraient trop nombreux à avoir envie de faire la fête sur nos corps. On m'a dit que l'amour était mort, j'ai fini par y croire. Aujourd'hui je pleure sur son sort. Car une fois sorti de smile et consort, tout comme les chats la nuit. Certains jours, Bilbo est gris, ben oui. Dans le rap français, non. Ah, nous on veut juste niquer des cops. Yeah. Ça te fait marrer. Non mais t'es taré, tu ferais bien te barrer. Allez, à ce qui paraît. Yeah. Faut que tu me ramènes mes chocopops. S'il y a bien un truc que je déteste, en plus du ménage, de la vaisselle, du climat de Brest et de mon portefeuille, aussi vite que pleines sont mes bourses. Putain, c'est d'aller faire les courses. Mais ce jour-là, fallait que j'y aille. Vite, mon ventre braillé, mon frigo vide, plus rien à grailler. J'attrape un peu de maillé par me ravitailler. Le truc est carré, moi je veux faire ça vite. Pas de cas, 10 jours et moins de 10 articles. Et je compte pas m'éterniser, je sais quel rayon viser. OGM de chez Kellogg, c'est les pasteurisés. Dans la main, j'ai un litre de calcium. Dans ma tête, les neurones se bastonnent. Mon corps ne fonctionne plus. Et là, je me questionne. Sérieux, y'a plus de chocopops, je suis en train de capoter. Y'a plus de chocopops, non mais t'es sérieux. Y'a plus de chocopops, arrête. Je suis en train de capoter. Sérieux, y'a plus de chocopops, je suis en train de capoter. Y'a plus de chocopops, non mais t'es sérieux. Arrête, sérieux, j'hallucine, hey. Je suis en train de capoter. Ça me rappelle la fois où j'avais choisi un nouveau style de chocapic avec un goût tout moisi. Je me fais pas avoir cette fois-ci. Je veux mes chocopops où je deviens violent comme un nazi. Mais je regarde tous les paquets, ils sont nulle part, je suis au taquet. Ils ont bien dû les planquer quelque part. Eh hey, bon, viens voir. Pas d'histoire, plus de chocopops. Sérieux, je peux pas le croire. Ils sont où? Je sais que t'en as en stock. Fais pas le fou, je sais que tu nies en bloc. Mais qu'en sortant, tu n'iras que savourer ces succulents grains de riz soufflés. Perso, discrètement. Fais pas le gros, je sais que tu mens. Fais pas le faux, tu parles trop. Parlez-moi calmement, Guélec. Tu faisais le chant, mais tu vois maintenant que pour du choco, même un hobbit me montrait les dents. Allez, va me chercher mes chocopops. Thank you. si t'en as pas envie. Ne pas prendre les bords, j'en ai fait partie. Pour que Dieu lui tue immédiatement, c'est qu'il faut. Immédiatement, et ici, si il me vend mon dos, irrémédiablement, à toi je ne dis pas, j'aime pas les gens. Thank you.

Thank you.